Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous proposons cette semaine de redécouvrir la série d'émissions sur l'attente. Initialement diffusée en décembre 2018, aujourd'hui, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Attention, la porte se ferme. Je me suis dit, puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? Mais quoi écrire? Pris entre quatre murailles de pierre nues et froides, sans liberté pour mes pas, sans horizon pour mes yeux, pour unique distraction machinalement occupée tout le jour à suivre la marche lente de ce carré blanchâtre que le Judas de ma porte découpe vis-à-vis sur le mur sombre, et seul à seul, avec une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort. Est-ce que je puis avoir quelque chose à dire, moi qui n'ai plus rien à faire dans ce monde? Et que trouverais-je dans ce cerveau flétri et vide qui vaille la peine d'être écrit? Bonjour Arnaud Laster. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. L'homme qui écrit les quelques lignes que je viens de lire est condamné à mort et sur le point de mourir. Et s'il n'avait pas écrit ce texte, nous n'en saurions rien. Hugo, là, tente quelque chose de tout à fait extraordinaire, qui est une étape vers la modernité la plus extrême. C'est-à-dire qu'il prend un personnage, il lui fait écrire à la première personne du singulier, sans que l'on sache son nom, sans que l'on sache ce qu'il a fait pour en être arrivé là, et il va nous amener jusqu'à l'instant où on va l'emmener à l'échafaud. Et ça, dans la littérature, c'est tout à fait neuf, et c'est vraiment une des dimensions de ce texte, Le dernier jour d'un condamné, qui, aujourd'hui encore, est reconnue comme tout à fait novatrice. Si bien que le condamné à mort va passer son temps, le temps qui lui reste, à attendre cette mort, donc la redouter, ce qui justifie le fait que nous parlions de ce texte dans cette série d'émissions sur l'attente. Vous êtes Arnaud Laster, universitaire, spécialiste de Victor Hugo et président de la Société des Amis de Victor Hugo. Vous avez beaucoup écrit sur Hugo lui-même. Le dernier jour d'un condamné a un statut à part, non, dans la bibliographie de Victor Hugo? Oui et non, parce qu'il aura des suites. Par exemple, Claude Gueux, qui est publié 5 ans après, est dans la ligne un peu de ce combat que Hugo entreprend contre la peine de mort et qui va être un combat constant, permanent de son existence. Et puis, c'est aussi une mise en question des conditions d'incarcération, la prison pouvant couver elle-même de nouveaux crimes. Pourquoi dites-vous que c'est un texte absolument novateur? Parce que je ne crois pas qu'on ait fait quoi que ce soit d'équivalent avant qui aille aussi loin dans l'impersonnalité du narrateur et en même temps qui prenne à témoin le lecteur jusqu'à lui faire s'identifier à cet homme. Et c'est peut-être justement parce qu'on en sait peu sur son passé que chacun peut se reconnaître en lui. Et ça, c'est chez Hugo une préoccupation permanente. Dans la préface des Contemplations, beaucoup plus tard, il aura cette phrase « Ah, insensé qui croit que je ne suis pas toi ». Donc, ceux qui voudraient faire de Hugo un homme qui se situe à part se trompent. Il y a une volonté de tendre un miroir aux lecteurs et aux lectrices, puisque les adaptations du dernier jour d'un condamné, qui aujourd'hui sont assez nombreuses au théâtre, ont tantôt un homme, tantôt une femme, comme narrateur. Et l'opéra de David Alagna, le frère du célèbre chanteur Roberto Alagna, qui met en scène donc le condamné, distingue un condamné en France, on peut le supposer, et une condamnée aux États-Unis, attendant chacun l'exécution, aux États-Unis, sans doute la chaise électrique. Avant d'entrer dans le texte avec vous, Arnaud Laster, d'abord précisons une chose assez singulière, c'est que ce texte a trois préfaces. Il y a la préface à la première édition en 1829, quelques jours plus tard, toujours en février 1829, une autre préface, et puis quelques années plus tard, une troisième préface en 1832, c'est la cinquième édition, qui là représente un long discours argumenté contre la peine de mort. Pourquoi autant de préfaces ? Hugo a eu immédiatement affaire à l'incompréhension, voire à l'hostilité d'un certain nombre de critiques. Et la deuxième préface s'intitule « Une comédie à propos d'une tragédie » et met en scène des personnages qui discutent du roman et certains qui l'attaquent avec véhémence. Et Hugo trouve le moyen, bien entendu, de les ridiculiser ou de démolir leurs arguments par le biais de cette préface. Et puis en 1832, il s'explique de façon beaucoup plus complète sur la motivation de l'écriture en disant que c'est un plaidoyer contre la peine de mort, ce qui n'était pas explicitement annoncé. Il parle de lui à la troisième personne dans cette préface. Il dit « l'auteur » avec un A majuscule. Oui, mais ça c'est assez fréquent au XIXe siècle de prendre une distance vis-à-vis de soi-même, d'éviter le jeu par ce biais-là. Mais Hugo va de moins en moins s'en soucier puisque il a dit clairement, ou au moins il espérait avoir dit clairement, même si ça n'a pas toujours été compris, que ceux qui se plaignent des écrivains qui disent « je » ont grand tort, car ce « je », c'est aussi celui du lecteur. Et c'est celui du condamné à mort qui prend la plume. Condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Toujours seul avec elle. Toujours glacé de sa présence. Toujours courbé sous son poids. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisies. Il s'amusait à me les dérouler les unes après les autres, sans ordre et sans fin, brodant d'inépuisables arabesques cette rude et mince étoffe de la vie. C'étaient des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles, et de sombres promenades la nuit sous les larges bras des marronniers. C'était toujours fait dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais. J'étais libre. Maintenant, je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée. Une horrible, une glaçante, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude. Condamné à mort. Quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée infernale, comme un spectre de plomb à mes côtés, seule et jalouse, chassant toute distraction, face à face avec moi, et me secouant de ses deux mains de glace quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir, se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse, se colle avec moi aux grilles hideuses de mon cachot, m'obsède éveillée, épie mon sommeil convulsif et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, lu ici par Hélène Losseur, en compagnie aujourd'hui d'Arnaud Laster, dans le cadre de cette série d'émissions sur l'attente. Et en effet, que fait ce narrateur condamné à mort, si ce n'est attendre et écrire cette attente? Il est très intéressant de voir le jeu sur le temps qui a lieu au fil des très courts chapitres qui composent le texte, puisqu'en fait, à mesure que son exécution approche, le temps semble s'étirer et il écrit de plus en plus. Et ça, c'est vraiment palpable pour le lecteur. Oui. L'attente est en effet quelque chose, Jean Kelevitch l'a dit et vous l'avez rappelé au cours de la première des émissions de cette série, une notion tout à fait ambiguë, parce que dans l'attente, il peut y avoir l'espoir, comme il peut y avoir l'angoisse, l'anxiété. Alors c'est l'anxiété qui domine là très largement, mais il est arrivé dans d'autres textes de Hugo qu'il fasse coexister l'espoir, et après tout, même dans celui-là, il y a l'espoir d'une grâce qui viendrait au dernier moment arrêter l'exécution. Et puis, bien sûr, il y a l'anxiété qui domine. Quand j'entends le premier chapitre qu'on a... Le texte s'ouvre avec ces mots, hein. Condamné à mort, suivi des lignes que l'on vient d'entendre. Oui, oui, mais quand j'entends cette idée, j'ai envie d'ajouter l'adjectif fixe, idée fixe, et de rappeler que Berlioz a été très enthousiaste de ce texte et que l'idée fixe de sa symphonie fantastique doit probablement beaucoup à celle du condamné. L'attente est celle du narrateur. Alors, vous l'avez dit, il attend parfois un miracle, parfois la mort. Donc, le terme d'attente est plutôt ici synonyme du verbe de redouter, puisqu'évidemment, il ne la souhaite pas. Il attend aussi beaucoup de choses au quotidien. C'est-à-dire que l'attente va devenir sa modalité d'être face à chaque micro-événement de sa journée qui vient de constituer le lot commun du quotidien en prison. Oui, ce qui est fort, c'est qu'il y a bien entendu cette condition propre au condamné et qui lui est tout à fait inséparable. Et puis, il y a quelque chose qui relève de la condition humaine en général, parce que tout se passe comme si Hugo faisait de cette situation une sorte de métaphore de notre condition à tous. Et il le dit presque explicitement, le condamné cite la phrase d'un roman où il n'y avait que cela de bon, dit-il. Et ce qui est drôle et qui manifeste l'humour de Hugo, c'est que c'est une citation de son propre roman En Islande, où il disait que, au fond, tous les hommes sont condamnés à mort avec des sursis indéfinis. Et bien entendu, ce qui change ici, c'est que il y a une date prévue. Il doit y avoir 6 semaines après l'arrêt rendu l'exécution. Et donc le sursis est tout de même beaucoup plus limité dans le cas du condamné que dans le cas de tout être humain qui peut espérer un prolongement de sa vie bien au-delà de 6 semaines. L'attente a une autre texture quand on connaît la date exacte du terme. Une chose est de savoir que nous allons mourir, une autre de savoir quand nous allons mourir et quand c'est si peu de temps. Eh bien, tout change parce que pour le narrateur, c'est-à-dire le condamné à mort, la vie elle-même change à mesure qu'il s'approche de sa mort. Il ne voit pas sa fille de la même façon, il ne voit pas la foule de la même façon, il ne se voit pas lui-même de la même façon. Il y a une métamorphose. Et Hugo appelle dans une certaine mesure tous les lecteurs et lectrices à prendre conscience du caractère infiniment précieux de la vie. Le premier des droits qu'il revendique, c'est le droit à la vie. Et ça, de la façon la plus constante, l'inviolabilité de la vie humaine, c'est quelque chose pour lui de fondamental. Et Robert Badinter a coutume de le rappeler, lorsque l'on parle d'un droit à la mort, il considère que c'est tout de même secondaire par rapport au droit à la vie. Et celui-là, Hugo le revendique hautement pour tous, même pour ceux qui auraient commis l'irréparable. Il n'y a pas de justice qui soit limitée à une vengeance. S'il y a une justice, il faut qu'elle puisse éventuellement déboucher sur un changement, sur une modification de celui ou de celle qui a été condamné. Ça, c'est contemporain du contexte dans lequel écrit Victor Hugo, cette réflexion sur, alors peut-être le droit à la vie, mais aussi la justice qui doit être, les lois doivent être égales pour tous. Le débat est lancé dès 1791, mais rien n'aboutit. En 1829, quand il écrit le texte, il en est également question. Beccaria théorise la question, etc. Il faut attendre, vous l'avez dit, Robert Badinter, 1981, pour que le projet de loi soit présenté à l'Assemblée et voté favorablement. Voilà, et Robert Badinter l'accompagnait de la citation de Hugo demandant l'abolition pure, simple et définitive de la peine de mort, et non pas une peine de mort qui serait soumise à diverses conditions. Et ça reste un horizon, bien entendu, par rapport à la planète. L'abolition universelle de la peine de mort est maintenant la revendication, puisqu'en France, au moins, l'abolition est acquise. Robert Badinter, vous en parliez, le voici. Claude Gueux, c'est un fait divers. Hugo l'a découvert en lisant le journal, s'incline à Troyes, il était dans la région. On a exécuté aujourd'hui sur la place du marché à Troyes un homme nommé Claude Gueux, c'est sans doute le nom qui l'a frappé, qui avait tué le directeur des ateliers de Clairvaux. Et de là, l'imagination chez Hugo part, il invente le personnage qui est déjà le prototype de Jean Valjean. Claude Gueux, pour lui, c'est un ouvrier qui, en période de chômage, a volé un pain. Vous voyez, on retrouve Jean Valjean qui est condamné à Clairvaux. À Clairvaux, il sera persécuté par le directeur, il aura un ami qui le console. Ici, on passait de Hugo à Jean Genet, mais que Hugo ne pouvait pas écrire ça en 1830. C'est impossible d'écrire sur l'homosexualité et d'être publié en 1830. Et par conséquent, il invente un Claude Gueux. C'était Robert Badinter en 2014. Alors oui, quand Hugo achève la dernière préface du dernier jour d'un condamné en 1832, il découvre dans la Gazette des tribunaux le compte-rendu du procès d'un certain Claude Gueux, condamné à mort pour meurtre. Il confirme son plaidoyer contre la peine de mort et décide d'en faire un roman. Quelques années plus tard, 2 ans plus tard, ce sera le roman Claude Gueux. Oui, que Robert Badinter a adapté pour l'opéra, en livret, et qui est une étape supplémentaire. Ça n'est pas la répétition. Hugo ne se répète jamais. Hein, ça, il faut bien avoir conscience. Et lui-même revendiquait ce renouvellement perpétuel. Il ne faut pas recommencer la même œuvre. Et donc, l'accent est mis dans Claude Gueux aussi sur les conditions dans lesquelles s'exerce la détention en prison. Et c'est un problème qui reste extrêmement grave aujourd'hui et qui donne toute son actualité à ce texte. Retrouvons le narrateur, le condamné à mort dans les derniers jours d'un condamné qui est toujours en train d'attendre. Il s'agit cette fois-ci du chapitre 8. Le texte est très court, hein. Je le précise, il y a beaucoup de chapitres, mais les chapitres sont très courts et on le lit vraiment avec une facilité déconcertante. Pourtant, la lecture marque pour une durée bien plus longue que le temps imparti de la lecture, évidemment. Oui, et puis oui. Pour ceux qui s'imaginent que Victor Hugo, c'est toujours très long... Ah non, là, il tient vraiment moins de 100 pages. Tout à fait. Et récemment, on a publié un livre sur justement les ouvrages courts qu'on peut lire pratiquement dans le métro ou dans un voyage en train. Et le dernier jour d'un condamné en fait partie. Alors, c'est utile de rappeler que Hugo est capable aussi bien de concision et de la concision la plus extrême, d'un style, d'une simplicité extrêmement directe, comme des digressions et de l'ampleur d'un roman comme Les Misérables. Écoutez comment donc le condamné intègre le lecteur dans sa propre attente, puisque le premier mot de ce chapitre, c'est « comptons ». Comptons ce qui me reste. 3 jours de délai après l'arrêt prononcé pour le pourvoi en cassation. 8 jours d'oubli au parquet de la cour d'assises, après quoi les « pièces », comme ils disent, sont envoyées au ministre. 15 jours d'attente chez le ministre, qui ne sait seulement qu'elles existent, et qui cependant est supposé les transmettre après examen à la cour de cassation. Là, classement, numérotage, enregistrement. Car la guillotine est encombrée et chacun ne doit passer qu'à son tour. 15 jours pour veiller à ce qu'il ne vous soit pas fait de passe-droit. Enfin, la cour s'assemble, d'ordinaire un jeudi, rejette 20 pourvois en masse et renvoie le tout au ministre, qui renvoie au procureur général, qui renvoie au bourreau. 3 jours. Le matin du 4e jour, le substitut du procureur général se dit en mettant sa cravate « Il faut que cette affaire finisse ». Alors, si le substitut du greffier n'a pas quelques déjeuners d'amis qui l'en empêchent, l'ordre d'exécution est minuté, rédigé, mis au net, expédié, et le lendemain dès l'aube, on entend dans la place de grève clouer une charpente, et dans les carrefours, crier à pleine voix des crieurs enroués. En tout, 6 semaines. Or voilà 5 semaines au moins, 6 peut-être, je n'ose compter, que je suis dans ce cabanon de Bicêtre, et il me semble qu'il y a 3 jours... C'était jeudi. Lester, ici, l'attente est quantifiée, numérique et procédurale. Hein. Il s'agit de toutes les choses administratives qu'il doit endurer avant de savoir si l'exécution aura lieu ou pas. Et dans la deuxième préface du texte, la comédie à propos d'une tragédie, il se révèle comme une espèce de coup de théâtre dans les dernières minutes que l'un des personnages qui critique le dernier jour d'un condamné n'est autre qu'un de ces juges qui décide juste de la mort. On ressent toute l'ironie d'Hugo ici hein, lorsqu'il dit « car la guillotine est encombrée et chacun ne doit passer qu'à son tour ». Et oui, il y a cette ironie constamment présente, ça fait partie du mélange des genres qu'il a toujours préconisé pour être au plus près de la réalité. Il ne faut pas adopter un ton uniforme, il ne faut pas jouer uniquement du tragique, mais montrer qu'il peut y avoir du comique, voire du grotesque, au milieu même des choses les plus horribles. Alors tout est fait pour qu'on s'identifie à ce narrateur, je l'ai dit là, il dit « comptons ce qui me reste » comme s'il nous incluait dans son décompte alors qu'il ne s'adresse qu'à lui-même, normalement. On ne sait pas le crime qu'il a commis, on ne sait rien de lui, on ne connaît pas son identité, donc on peut encore plus s'identifier. Mais là où Hugo est très fort, c'est qu'on s'identifie aussi à cette foule qui vient près de la prison pour assister au spectacle de l'exécution et il voit d'autres exécutions avoir lieu devant ses yeux. Et nous autres lecteurs sommes à la fois de son côté et de celui de la foule qui veut quand même savoir ce qui va se passer. Et ça, c'est forcément délibéré de la part d'Hugo. Oui, dès Andisland, son roman de jeunesse, il se disait extrêmement sensible à cet attrait de la foule pour les supplices. Il disait à quel point ça lui paraissait monstrueux, finalement, par inconscience. Il y a chez beaucoup de ces gens qui assistent à des exécutions l'indifférence à peu près totale à ce que ça a pu représenter pour celui qui va monter sur l'échafaud. Et ça, comment est-ce qu'Hugo parvient à faire en sorte que l'on puisse ressentir cette horreur? C'est ça qui l'intéresse, c'est qu'on puisse nous-mêmes être glacés par l'attente de cette exécution comme si nous étions nous-mêmes condamnés. Quels sont les moyens qu'il met en œuvre pour y parvenir? Mais je crois que la première personne du singulier est un moyen décisif, parce que cette façon de prendre la situation du point de vue de celui qui l'éprouve et sans ajouter en tant que narrateur la moindre remarque extérieure, fait que le lecteur à son tour s'identifie à ce jeu. Parce que la mort est... Dieu sait si Hugo en parle beaucoup dans son œuvre, n'est jamais représentable véritablement. On ne peut que s'imaginer, on ne peut pas vraiment coïncider avec cette attente, cette fait de redouter une mort si proche. Et d'ailleurs, un des fondements de la détestation de la mort chez Hugo et de sa foi, c'est justement ce refus de l'admettre. C'est-à-dire que il y a un texte dans La Légende des siècles qui paraîtra très tardivement où il dit « Non, je ne donne pas à la mort ceux que j'aime. Je veux pour eux un lendemain. » Et donc la croyance en une survie, elle se fonde sur cette horreur absolue de la mort. Et il y aura aussi des formules que j'aime beaucoup dans ces textes tardifs, comme un mort à la mort, qui est encore aujourd'hui une sorte de devise ou de slogan possible pour les politiques et pour les chercheurs. Est-ce que ça ne devrait pas être la priorité des priorités de combattre la mort? Un mort avec un D, S? Un mort à la mort, comment vous l'écrivez? Non, c'est M-O-R-T, ah bon, mort à la mort. Parce qu'on peut tout à fait mettre un mort comme à un cheval, oui, oui, à la oui, mort, oui. Pour la, oui, la, oui. La ralentir. Oui, oui, oui, mais ça ne suffit pas, il faut vraiment s'en débarrasser. Le philosophe Jean Kelevitch, dont on parlait lundi dernier, décrit parfaitement comment les tentatives de coïncider avec la mort sont toujours vaines, et c'est peut-être de là que naît le geste littéraire. Écoutez-le en parler, c'était en 1967. Nous sommes devant la mort comme un papillon devant la flamme d'une bougie, n'est-ce pas? Probablement un point inattingible, inatteignable, Vous touchez la flamme qui vous brûle sans que vous soyez dedans. C'est comme l'intuition. L'intuition, c'est cela, c'est acrobatie, avec une flamme dévorante. Vous vous rapprochez au plus près. Alors, le mot important, c'est le plus près. Alors, supposez donc l'expérience pathétique qu'a faite Victor Hugo dans Les Dangers de la Condamnée, qui est un livre génial, sans lequel on ne s'explique pas Dostoïevski ni Tolstoï. Et dans ce dernier livre, Victor Hugo suppose que le condamné à mort a griffonné quelque chose sur un papier jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où la guillotine va faire tomber sa tête. C'est une expérience de ce genre, tangentielle. Et j'avoue qu'elle est plus facile à concevoir théoriquement qu'à réaliser pratiquement. Pourquoi ? À quoi bon ? Se disait-il les yeux grands ouverts dans l'obscurité. La mort, oui la mort, et eux tous n'en savent rien. Ils ne veulent pas savoir et ne me plaignent pas. Ils jouent. Cela leur est bien égal. Pourtant eux aussi mourront. Les imbéciles. D'abord mon tour, après le leur, et ils rient ces brutes. La colère l'étouffait, il souffrait le martyr. Ce n'est pas possible que tout le monde soit condamné aux mêmes horreurs. Il se leva encore une fois. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut se calmer, remonter au commencement. Il se mit à songer. Oui, le début de ma maladie. Je me suis donné un coup au côté sans rien éprouver d'extraordinaire. Seulement une petite douleur sourde. Puis cela s'est aggravé. Puis le médecin, la mélancolie, l'angoisse. De nouveau le médecin. Et je m'approchais de plus en plus de l'abîme. Les forces diminuent. Plus près. Plus près. Et me voilà épuisé. Mes yeux sont devenus ternes. C'est la mort. Et moi, je ne pense qu'à mon intestin. Je ne pense qu'à guérir mon intestin. Et c'est la mort. Mais est-ce la mort ? Il fut repris de terreur. Tout haletant, il se baissa, chercha les allumettes, heurta la table de nuit, se fit mal, et dans un mouvement de colère, la poussa fortement et la renversa. Épouvanté, sans souffle, il se jeta sur le dos, attendant la fin. N'attendez plus, tout se passe ici ce matin sur France Culture, les chemins de la philosophie, où nous écoutons Rachmaninov et Victor Hugo, et à l'instant, Ivan Ilitch de Tolstoï. Jean Kelevitch nous disait juste avant à quel point le texte de Hugo, Le dernier jour d'un condamné, avait influencé, même de ce texte était né, dit-il, Dostoïevski et Tolstoï. La mort d'Ivan Ilitch est aussi une tentative de décrire ses derniers instants avant la mort et la façon qu'a celle-ci de nous éclairer en retour, Arnaud Laster. Tout à fait. J'ajoute que le choix de Rachmaninov me paraît tout à fait pertinent. C'est Nicolas Berger. Car Rachmaninov a mis en musique un texte de Victor Hugo sous le titre « Réponse ». Et voilà. Donc nous ne sommes pas parmi des étrangers à l'œuvre de Hugo. Alors, quelle différence entre Le dernier jour d'un condamné et la mort d'Ivan Ilitch ? Le dernier jour d'un condamné est écrit à la première personne, mais Ivan Ilitch, comme le narrateur, essaye de s'interroger sur l'effet que la mort peut avoir sur lui, mais dans les deux cas, les autres sont indifférents. Et c'est ça qui pèse le plus à Ivan Ilitch, et c'est ça aussi qui est insupportable au condamné, non ? Oui, l'indifférence, c'est contre cela que lutte beaucoup Hugo. Il estime que rien n'est solitaire, tout est solidaire. C'est une formule dont se souviendra aussi Camus. La solidarité, c'est quelque chose dont tout le monde doit être conscient. Il n'y a pas de cas qui soit totalement isolé. Il y a toujours des échos ailleurs. Alors, il faut que chacun en prenne conscience et donc participe à ce combat. Et Hugo, politiquement, va donner aussi une réponse à cette volonté en luttant pour la démocratie, pour la République et contre toutes les tentatives de confisquer le pouvoir au bénéfice d'un seul. La solidarité, politiquement, certes, mais pas de manière feinte, puisqu'il décrit très bien dans le texte l'agacement que suscite chez le narrateur la gentillesse et la solidarité feinte, encore une fois, ou surjouée, de ceux qui doivent s'occuper de lui. Il décrit très bien comment la douceur, cette douceur lui est absolument insupportable. Mais oui, parce qu'elle s'accompagne d'une indifférence réelle à son sort. C'est-à-dire que cette politesse, cette douceur, elle est purement extérieure. Il dit que les bourreaux, comme ces bourreaux, sont doux. Oui, c'est aussi le directeur de la prison, je crois, qui vient lui demander si il est content d'avoir été bien traité, s'il a à se plaindre des fonctionnaires de la prison. Et là n'est pas le problème. Pourquoi se décide-t-il d'écrire, pensez-vous? Pourquoi le chapitre 6 que j'ai lu en tout début d'émission, où il dit ben, « je vais écrire ce qui m'arrive », est-ce une manière de conjurer l'attente? De reprendre une espèce de contrôle sur ce qui lui est imposé? Oui, il faut justifier tout de même, aux yeux du lecteur, il faut justifier une pareille écriture, une pareille narration. Et donc, il faut donner au condamné une raison d'écrire. Mais il se pose lui-même la question de savoir si c'est vraiment utile. À quoi est-ce que ça servira? Si moi je suis exécuté, que m'importent les conséquences, même positives, que pourra avoir mon témoignage? Et ça, c'est aussi très, très bien vu, parce que, quel que soit l'altruisme et la volonté de saisir l'humanité des problèmes, il faut aussi que chacun bénéficie en quelque sorte de cette prise de conscience. Parce que si elle s'accompagne de son sacrifice, c'est certes estimable, c'est même, ça peut être admirable, mais c'est infiniment triste. C'est surtout la question de Victor Hugo, enfin de tout écrivain. Pourquoi écrire alors que la mort est certaine? Eh oui, c'est en cela d'ailleurs que réside aussi la modernité de Hugo. C'est cette interrogation sur la motivation de l'écriture chez lui. Et quelle est-elle? Je pense partager des sentiments, des sensations, des raisonnements et amener peut-être progressivement ceux qui le lisent à changer éventuellement de comportement. Il y a un dessein extrêmement ambitieux chez Hugo qui consiste à être utile, ne pas faire de l'art pour l'art, mais un art pour le progrès. Pour le progrès de l'âme humaine. De l'âme humaine et de la société. Et c'est en cela que, bien entendu, il va s'engager dans des luttes jusqu'à encourir l'exil. Et pourtant, quand il veut mener le combat contre la peine de mort, il commence par écrire une fiction, non pas une tribune oui. ou un texte engagé comme la dernière préface. Mais on ne rappellera jamais assez que dans ces années-là, il écrit donc Les derniers jours d'un condamné en 1828, on est sous Charles X, la Restauration. Hugo n'est pas citoyen, il n'a pas le droit de vote, il n'est même pas donc électeur, encore moins éligible, et ce ne sera qu'au prix d'une élection à l'Académie française qu'il obtiendra sa première carte d'électeur. Il n'a pas de fortune personnelle familiale, il n'a pas de terre, de propriété au départ. Il en aura d'ailleurs très peu au cours de sa vie, hein, en dehors de sa maison d'exil, que justement il a acquise pour ne pas être expulsé, puisqu'il y avait une loi qui, dans les îles anglo-normandes, faisait qu'on ne pouvait pas expulser un propriétaire. Mais sinon, il est locataire de tous les appartements qu'il a habités. Mais sa seule façon d'intervenir dans le débat public, c'est la littérature. Jusqu'à 1848, Deuxième République, où il pourra être élu, et puis un peu avant, il y aura la nomination en tant que pair de France, parce qu'une fois devenu académicien, il est considéré comme une notabilité, et donc le roi Louis-Philippe, roi constitutionnel, moins absolutiste que Charles X, le nomme pair de France, mais il n'arrive pas à faire passer grand-chose de ses préoccupations sociales dans cette assemblée très conservatrice, et pendant qu'il essaye de s'y exprimer, il commence à écrire un roman qui deviendra Les Misérables. C'est pourquoi le thème de l'attente peut paraître surprenant sous la plume de Victor Hugo. L'impatience aurait été plus évident, vu son caractère et son combat même politique. Mais oui, et c'est ce que montre bien finalement la mise en musique d'un de ses poèmes des Orientales qui s'intitule précisément « Attente ». Parce que selon les compositeurs, on lui donne un caractère impatient et plein d'espoir, ou au contraire, un côté presque désespéré. Et il y a une épigraphe à ce poème, c'est « Esperaba desperada ». Elle espérait désespérée. Donc, au fond, les deux façons d'interpréter le poème musicalement sont possibles. Alors, Wagner en a donné une version pleine d'espoir, et Saint-Saëns, lui, a fait attention à l'épigraphe et montre que... a choisi le désespoir. Qu'il y a un grand risque qu'en effet, le bien-aimé attendu ne soit pas au rendez-vous. Voici la version de Camille Saint-Saëns interprétée par François Leroux. Monte écureuil, monte au grand chêne, sur la branche des cieux prochaine, qui plie et tremble comme un jonc. Cigogne aux vieilles tours fidèles, au vol et monte à tire d'aile, de l'église à la citadelle, du haut clocher au grand donjon. Vieil aigle, monte de ton air à la montagne. Centenaire que blanchit l'hiver éternel, et toi quand ta couche inquiète, jamais l'aube ne vit muette. Monte, monte, vive alouette, monte au ciel. Raconte ce poème et donc cette chanson, l'attente, Arnaud Laster. C'est l'attente d'une femme dont le bien-aimé est parti, on peut le supposer, à la guerre, et dont elle espère le retour. Reviendra-t-il ? Impossible d'en être certain. Il y a tout de même un poème précédent qui peut y faire penser et peut laisser supposer qu'il ne reviendra pas, c'est La fiancée du timbalier, où il y a la même attente et finalement le désespoir de voir qu'il ne fait pas partie des timbaliers qui reviennent de guerre. Alors il y a un contexte qui est très intéressant. Saint-Saëns écrit ça au moment de la guerre de Crimée et peut penser justement aux femmes qui sont dans l'attente du retour d'un soldat de cette guerre. Et curieusement, il a orchestré sa mélodie en 1915, en pleine Première Guerre mondiale, et là encore, sans doute, en rapport avec l'actualité. Alors là, nous avons entendu François Leroux qui le prend en somme au masculin et qui attend une bien-aimée, il a fait une légère retouche que nous n'avons pas entendue, mais dans les tout derniers mots du poème. Et revenir mon bien-aimé, voilà. Le texte original. Voilà, et lui dit, et revenir ma bien-aimée. Vous avez précisé dès le début de l'émission que de toute façon, même le narrateur du condamné à mort pouvait être une femme, était universel. Et ça tombe bien parce que c'est une comédienne qui lit les textes pour nous cette semaine, et donc les textes voilà. de Victor Hugo. Et François Leroux est un merveilleux diseur qui fait entendre, contrairement à beaucoup de chanteurs et de chanteuses, le texte qu'il chante. Alors revenons au dernier jour d'un condamné, on arrive presque à la fin de cette émission, il nous faut encore entendre un dernier texte, le chapitre 39. Écoutez comment le temps semble à la fois s'étirer, puisque ce sera vers la fin, bien chaque heure qui sera décrite, puis chaque minute, il écrit jusqu'au dernier moment. Et à la fois la précision des termes employés pour décrire ce temps qui passe est absolument glaçant. Ils disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce, que la mort de cette façon est bien simplifiée. Et qu'est-ce donc que cette agonie de 6 semaines et ce râle de tout un jour? Qu'est-ce que les angoisses de cette journée irréparable qui s'écoule si lentement et si vite? Qu'est-ce que cette échelle de torture qui aboutit à l'échafaud? Apparemment, ce n'est pas là à souffrir. Ne sont-ce pas les mêmes convulsions que le sang s'épuise goutte à goutte ou que l'intelligence s'éteigne pensée à pensée? Et puis, on ne souffre pas, en sont-ils sûrs? Qui le leur a dit? Compte-t-on que jamais une tête coupée se soit dressée sanglante au bord du panier et qu'elle ait crié au peuple « Cela ne fait pas de mal !» Y a-t-il des morts de leur façon qui soient venus les remercier et leur dire « C'est bien inventé, tenez-vous-en là, la mécanique est bonne » Est-ce Robespierre? Est-ce Louis XVI? Non, rien, moins qu'une minute, moins qu'une seconde, et la chose est faite. Se sont-ils jamais mis seulement en pensée à la place de celui qui est là, au moment où le lourd tranchant qui tombe mord la chair, rompt les nerfs, brise les vertèbres? Mais quoi? Une demi-seconde, la douleur est escamotée? Horreur. Demi-seconde, c'est exactement ce qu'on verra à la toute fin du texte. Cette demi-seconde qui devient palpable, en tout cas littérairement, Arnaud Lastar. Oui, le texte termine par la montée de l'escalier où on vient chercher le condamné pour le mener à l'exécution. Mais il écrit les derniers mots, « Ah les misérables, il me semble qu'on monte l'escalier, 3 points de suspension, et ensuite... » 4 heures, l'heure à laquelle l'exécution aura lieu. Et là, on sait bien que ce n'est pas lui qui a écrit. Et là, on peut vraiment prendre la mesure de ce qu'est une demi-seconde. On sent presque la main de celui qui vient le chercher sur l'épaule de celui qui écrit. Oui. Et ça, ça fait partie aussi de l'impact que ce texte peut avoir. Il n'y a pas de laïus. Il n'y a aucune déclaration solennelle, finale, où le condamné prendrait à témoin le public, on reste dans la pure notation au fil des minutes. Une pure notation qui a quand même une portée réflexive, parce qu'il dit bien, il dit mais finalement, qu'est-ce que cette agonie de 6 semaines, ce râle de tout un jour, ce sang qui s'épuise goutte à goutte, ou que l'intelligence s'éteigne pensée à pensée, il y a une forme de réflexion. À quoi bon, se dit-il? Quand on en est réduit à compter les secondes qui nous séparent de la mort, nous ne vivons plus. C'est déjà ce qu'il est en train de dire. Il a déjà basculé de l'autre côté. Oui. Ce qui rend cette peine particulièrement horrible, c'est qu'au lieu de durer quelques secondes, elle dure en fait les 6 semaines. C'est une agonie de 6 semaines. C'est une torture, en fait, de connaître la date de sa mort. Tout à fait. Et Hugo salue l'abolition de la torture... qui a été acquise par le XVIIIe siècle, et il appelle de ses voeux l'abolition de la peine de mort qui serait le plus beau fleuron du XIXe siècle. Mais il a bien conscience que ça n'est pas gagné d'avance, et il dit « vous ou vos successeurs l'aboliront » dans un discours à l'Assemblée. Et le texte lui-même ressemble de plus en plus à la douleur que le narrateur ressent, puisqu'au début du texte, il est encore question de nourriture, de sommeil. La plume est très incarnée, il décrit même des besoins organiques. Il dit même, il a cette réflexion très amusante, finalement intéressante, au deuxième chapitre. Il dit, c'était par une belle matinée d'août. Il a cette réflexion, il dit, mais finalement, on ne s'attend pas à ce qu'une arrestation, une condamnation à mort ait lieu lors d'une belle matinée d'août. Voilà. Ça n'arrive que la nuit quand il fait froid. C'est ça. Et ça, c'est très fort aussi dans son théâtre comme dans sa poésie, le contraste qui peut exister entre la nature et ce qui arrive aux êtres humains. Alors, célèbrissime poème, La tristesse d'Olympion, où les champs n'étaient point noirs, les cieux n'étaient pas d'azur, n'étaient pas mornes, je veux dire. Vous voyez, la tendance à retomber dans les clichés est vraiment la plus forte. Non, il peut faire un temps splendide le jour d'une exécution. Il peut faire le temps le plus beau et des êtres peuvent être réduits au désespoir. Et Hugo a été sensible au suicide de Nourrit, un chanteur célèbre de son époque, à Naples. Naples. On imagine un ciel bleu, un soleil éclatant. Eh bien, ça a été le lieu du suicide de ce ténor. Mais on retrouve l'ironie qu'on pointait tout à l'heure. Oui, vous avez noté, hein, dans les derniers moments, hein, est-ce qu'on connaît une tête de mort qui serait revenue pour dire « ça ne fait pas mal hein. » On trouve quand même des réflexions qui surprennent, même si cette attente, qui est nommée le terme « attendre, j'attends », etc., revient à de nombreuses reprises, même à un moment le souhait de quelque chose d'inattendu, tellement tout est déjà ordonné. On trouve des réflexions assez surprenantes. Il écrit au chapitre 38 « Encore 2h45 et je serai guéri. » Oui. Comme si la mort ici était une libération. Et comme si cette fois-ci il attendait au sens d'une impatience que cela arrive. Oui, je pense que ça relève tout de même plutôt de l'ironie que de la sincérité. Ça fait partie, à mon avis, de cette façon justement de prendre le lecteur comme ça à témoin des idées reçues, hein, la mort considérée comme une guérison. Hein, Ou alors c'est une manière de signifier que la souffrance de l'anticipation de sa propre mort est pire sans doute que la mort elle-même. Peut-être. Mais il y a aussi cette idée que on a tendance à parler de bonne mort. Hein. Il y a ce terme d'euthanasie qui est encore aujourd'hui souvent revendiqué par certains. Et y a-t-il une bonne mort ? Hugo pose la question. Peut-être pas. Un dernier point. On n'en a pas parlé, et c'est quand même un élément important du texte. Cet homme dont on ne sait rien a quand même une petite fille. Et alors là, c'est l'élément sans doute le plus tragique du texte. Oui. Parce que cette petite fille vient le voir. Oui. Et ne le reconnaît pas. Et qui dénonce une des conséquences de la peine de mort, un des dégâts collatéraux, qui est de faire du mal aux proches, qui sont absolument innocents, qui n'ont rien à se reprocher. La petite fille de ce condamné, elle va être la fille d'un homme qui a été condamné à mort. Ça va peser sûrement lourdement sur son destin. Mais Hugo est conscient du fait que ces condamnés à mort, ils laissent souvent des familles dans le désespoir et des familles ruinées aussi. Et donc la peine de mort, elle ne touche pas uniquement le coupable, elle touche aussi sa famille. Et puis là, évidemment, ce qui renforce la pénibilité de la rencontre avec cette petite fille, c'est que cette petite fille ne le reconnaît pratiquement plus. Hein, ça n'est plus son père. Et il semble bien d'ailleurs qu'elle ait été conditionnée pour cela. On lui a dit que ce père était mort. Oui, et c'est quand Hugo parle des enfants, là, l'ironie n'est plus présente. L'amour qu'il porte aux enfants, ou est-ce qu'il représente, est au-delà de toute forme d'ironie. Et c'est là, on lit des phrases. « Oh, si ces jurés l'avaient vue, cette petite fille, au moins ma jolie petite Marie, ils auraient compris qu'il ne faut pas tuer le père d'un enfant de 3 ans. » Là, on sent bien le Victor Hugo parlant à travers les lèvres du narrateur. Oui, il a mis d'ailleurs pas mal de choses de lui dans les souvenirs de ce condamné, y compris ses souvenirs avec une petite compagne espagnole, enfin, des choses qui étaient vraiment autobiographiques et qui renforcent, bien entendu, la vraisemblance de son propos, parce que, justement, elles sont nourries de choses qui sont réelles. La peine de mort n'est pas abolie partout. Et il reste encore des artistes qui plaident en faveur de son abolition. L'un d'entre eux compte les minutes qui le séparent de sa mort. Il lui reste 25 minutes avant de mourir. Est interprété par Johnny Cash. Well, they're building a gallows outside my cell, and I've got 25 minutes to go, and the whole town's waiting just to hear me yell. I got 24 minutes to go. Well, they gave me some beans for my last meal with 23 minutes to go. But nobody asked me how I feel. I got 22 minutes to go. Well, I sent for the governor and the whole darn bunch with 21 minutes to go. And I called up the mayor, but he's out to lunch. I got 20 more minutes to go. Then the sheriff said, boy, I'm 25 minutes to go, une chanson interprétée en prison, at Folsom Prison, justement sur les lieux du crime qui ne devrait pas condamner à la peine de mort, nous chante Johnny Cash. Un grand merci à vous, Arnaud Laster, d'être venu nous parler de Victor Hugo aujourd'hui. Merci à vous aussi de permettre cette diffusion à laquelle nous tenons tant, à la Société des Amis de Victor Hugo, de la pensée de Victor Hugo et de la vraie pensée, non pas de caricatures qui continuent à circuler de temps en temps. Eh bien, c'est grâce à vous et à votre Société des Amis de Victor Hugo, donc, que vous présidez. On mettra les nombreux ouvrages que vous avez écrits sur Victor Hugo et les éditions de ces textes en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. And the trap and the rope, all they work just fine. Stay in more minutes to go. Well, I'm waiting for the pardon that'll set me free with 9 more minutes to go. But this ain't the movies, so forget about me. 8 more minutes to go. With my feet on the trap and my head in the noose, 5 more minutes to go. Won't somebody come and cut me loose? 7 more minutes to go. I can see the mountains, I can see the sky with 3 more minutes to go. And it's too darn pretty for a man to wanna die. 2 more minutes to go. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Il y a 50 ans, le 20 juillet 1969, l'homme marchait pour la première fois sur la Lune. Pour fêter cet anniversaire, plusieurs événements, expositions, livres et films auront lieu toute cette année. L'occasion pour nous de faire la lumière sur cet astre de nuit. Le soleil, rendez-vous avec la lune. Mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici-bas, souvent chacun pour sa chacune. Chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là. La lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit. Il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas. Et toujours lui, le soleil, rendez-vous avec la lune. Mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Papa dit qu'il l'a vu ça, lui. À quoi pourrait ressembler une petite philosophie de la Lune? Faire la lumière sur un astre qui ne se montre que la nuit n'est-il pas paradoxal? D'autant que l'expression « être dans la Lune » exprime le fait d'être distrait, d'être perdu dans ses pensées, loin d'un travail éveillé de la raison. À écouter cette célèbre chanson de Charles Trenet, la Lune semble en effet sans cesse nous échapper, jamais au rendez-vous, seulement présente quand la lumière ne l'est plus. C'est la première caractéristique de la Lune. Toujours comparée au Soleil, elle ne brille pas autant que lui, elle ne s'impose pas, elle ne fait pas le jour sur le monde, elle ne l'illumine pas de ses lumières. Faudrait-il en déduire que la Lune, pure obscurité, résiste à toute connaissance et ne relève que de la croyance, de la mystique, voire justement de l'obscurantisme? Eh bien non, bien au contraire, car la Lune a ceci de particulier que bien qu'elle soit l'envers du Soleil, elle n'en a pas moins une identité propre, saisissable, mais une identité qui n'est pas pleine, qui n'est pas constante, une identité discrète et tout en nuances. C'est ainsi qu'Aristote, dans son traité du ciel, lui faisait déjà une place précise et lui attribuait un rôle de partage entre le monde au-delà de la Terre, le supralunaire, et le monde sur Terre, le sublunaire. Et c'est bien ce dernier monde, sous la Lune, soumis à ses cycles, à ses variations, à ses constance qui faisait de la Terre le lieu de l'altération, du changement, de la nuance. Mes chers collègues, vous savez quel progrès immense nous avons fait accomplir à la balistique. Et nul ne peut mesurer où nous serions arrivés si la paix n'avait pas malencontreusement interrompu nos efforts. Vous savez donc que la résistance des canons et la puissance de la poudre sont illimitées. Qui nous empêche alors, au moyen d'un appareil suffisant, d'envoyer un boulet dans la Lune? Un boulet dans la Lune? Un boulet dans la Lune? Mes chers camarades, avant de nous réunir, j'ai donc étudié la question. Et aujourd'hui, ce que je peux vous proposer, c'est de tenter cette expérience. Si l'on tente de retracer très rapidement une histoire de la Lune, force est de reconnaître qu'elle a occupé une place de choix. Qu'il s'agisse des manuels scientifiques, de cosmologie, d'astronomie, des traités ésotériques d'astrologie ou des récits littéraires, il existe même un genre appelé fiction lunaire. La discrétion de la Lune n'a pas empêché son omniprésence dans le savoir et l'imaginaire. Mais quel rôle a-t-elle joué précisément ? On pourrait dire que malgré sa dimension scientifique, le terme même de Lune invite tout de suite à la rêverie ou à la confidence, à se laisser aller à l'imagination, à la divagation, la nuit, au chaud, dans son lit. C'est la berceuse au clair de la Lune. C'est le beau titre du film de Kenji Mizoguchi, Les contes de la Lune vague après la pluie. C'est le roman de Jules Verne, De la Terre à la Lune, dont on vient d'entendre un extrait, où la Lune, même quand elle est l'objet d'une conquête spatiale, apparaît comme l'inconnu, le caché, l'inatteignable sur lequel on projette tous nos fantasmes. Et puis c'est aussi l'histoire comique des États et empires de la Lune, de Cyrano de Bergerac, dans lequel les habitants de la Lune font tout le contraire des humains. C'est comme si la Lune, tout en nuances, en discrétion et en délicatesse, symbolisait à travers de multiples récits ce qui précisément ne doit pas se dire, le secret. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Mais que faire désormais de toute cette philosophie lunaire, alors même que la Lune n'est désormais plus un secret, alors même qu'on l'a conquise, qu'on l'a foulée? Arendt, dans son prologue de 1958 à la condition de l'homme moderne, 11 ans avant les premiers pas sur la Lune, avait pointé ce désir humain de s'échapper de la Terre pour conquérir l'espace et la Lune. Mais n'était-ce pas le cas avant, en fait? La Lune n'était-elle pas déjà le lieu où devaient se loger nos secrets, nos fantasmes, nos désirs? Aurait-elle perdu son aura et de sa valeur dès qu'elle a été vraiment parcourue? Eh bien, d'une certaine manière, oui. Si la Lune, comme l'a analysé Mircea Eliade dans Une nouvelle philosophie de la Lune en 1943, avait une fonction métaphysique de lien entre les hommes par rapport à un au-delà, sa conquête a aboli cette fonction. La Lune n'est plus un au-delà, l'objet du secret et d'une quête, mais fêter les 50 ans des premiers pas sur son sol nous rappelle quand même qu'il y a encore de la place pour cultiver cet au-delà dans nos esprits et nos imaginaires, en nous, tout simplement. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à Sharon Oury qui a préparé cette émission avec Colomba Grossi, Isis Jourda, Marie Simon, Anaïs Isbert, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise cette émission. C'était Thibaut Nassim Ben à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite et fin de notre série sur l'attente. Demain, nous peindrons le temps qui s'étire avec Edouard Hopper. Ce sera en compagnie de Didier Ottinger. D'ici là, vous pouvez feuilleter les livres sur Edouard Hopper, vous remémorer ses tableaux, mais aussi réécouter cette émission sur Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. C'est très simple, hein. Vous vous rendez sur le site de France Culture, à la page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, avec les personnes de votre choix, et les garder surtout pour une durée illimitée. Rendez-vous également sur les réseaux Instagram, Twitter, Facebook, où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h précise, donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.